Livre premier, l'apparition et la fondation. La forêt, les légendes et la mer, Saint-Père et Saint-Scubilion, la vision de Saint-Aubert, les reliques, la collégiale, Saint-Michel et Clovis, mission de la France, bras droit de Dieu, Charles Martel. Saint-Michel et Charlemagne, Saint-Michel et Roland. 1. Les savants ont tout dit. Ils ont tout contredit. Ils ont dit que l'Angleterre faisait partie du continent autrefois. Ils l'ont nié. Et combien de terribles mémoires ont été allongées sur cette question insoluble. Il fut un temps, du moins, cela paraît certain, où l'estuaire, compris entre le rocher de Saint-Malo au sud et la pointe de Granville au nord, était beaucoup moins large et moins profond qu'aujourd'hui. La tradition locale, d'accord avec tous les écrivains, place au lieu même où est le golfe actuel une vaste forêt qui, selon le poète bénédictin Guillaume de Saint-Père, aurait eu ses aventures comme la fameuse Brocéliande. Évidemment, la tradition qui plante une forêt maintenant noyée entre Granville et l'ancien évêché d'Alette ne se trompe point. Comment expliquerait-on autrement la présence de ces innombrables troncs couchés à diverses profondeurs sous le sol, aux environs de Saint-Malo et de Saint-Servan, dans toute l'étendue du marais de Dole, au bec d'Andenne, près de Genet, jusqu'à Bricqueville-sur-Mer, non loin de Coutances? Il s'y joint souvent des débris d'animaux, dont l'espèce a disparu du pays, et d'énormes quantités de coquillages fossiles. L'abbé Manet, qui vivait de ces problèmes, cite une fouille faite à La Fresnaye où l'on retira du sol une perche de cerf portant plusieurs andouillées longues d'un pied et demi et une tête entière d'urus. Aux environs de Saint-Malo, dit Élisée Reclus, on se servait pour la construction des espaliers de fragments d'un bois noir comme l'ébène et d'une grande dureté provenant des forêts du littoral englouties à diverses époques. C'est une industrie du pays d'aller fouiller le sable et d'en extraire les bourbans ou couérons, ainsi qu'on nomme ces arbres ensevelis depuis des siècles. Du reste, pourquoi citer ? Ces faits sont communs ici comme la rencontre d'épaves provenant des naufrages et fréquentes sur les côtes d'Islande ou de Bretagne. Il m'a été montré à moi-même, sous le bourg de Genet, vers 1850, toute une stratification végétale qui s'étendait du bec d'Andenne au banc de Drogeais. Il y avait là des milliers d'arbres couchés avec leurs ramures distinctes et les chênes gardaient leurs glands à demi pétrifiés. Cette mystérieuse forêt sur laquelle passent maintenant les navires toutes voiles éployées, quel nom avait-elle? L'abbé Manet l'appelait Sissi, tout en donnant les diverses orthographes des auteurs latins qui en ont parlé, tels que, dit-il, Sciciacum, Scesciacum, Siciacum ou Setiacum, Nemus, qu'on a traduit d'abord en français par ceux de Sissi, S-C-Y, Sissi, C-Y, Setiac ou Sessiac, et qui ont dégénéré en ceux de Calsois, Chaisé, Chausé, etc., et maintenant Chauset ou Chauset, C-H-O. L'auteur de la vie de Saint-Gaud, de Saint-Père, de Saint-Scubilion, etc., ajoute à la liste des noms qui forment son titre, tous anachorètes de la forêt de Sissi. Les autres écrivains vont et viennent autour de cette forme latine, Sessiacum. Seul le bénédictin Guillaume de Saint-Père, auteur du roman du Mont-Saint-Michel, tournant le dos à tous les autres, désigne la forêt par un sobriquet très particulier que nul n'avait dit avant lui et que bien peu ont répété. Il l'appelle Coquelund, et ce nom bizarre vient si naturellement dans ses vers qu'il semble avoir été populaire de son temps. Le célèbre moine Rimmer, qui se montre aussi précis que savant dans les détails de son poème, donne une excellente description géographique de la forêt du Mont-Saint-Michel, et c'est pour cela surtout que nous le citons. Sous Avranches, dit-il, vers la Bretagne, qui fut de tout temps terre sauvage, était la forêt de Coquelund, qui faisait grand bruit par le monde. Ce qui est maintenant mer et grève, en ce temps-là était forêt, pleine d'abondantes et riches venaisons. Quoique depuis lors le poisson y nage, d'où l'on pouvait très bien aller à pied sec, d'Avranches, droit à Poëlet, à la cité d'Alette, Saint-Malo. 2. Comment disparut-elle, cette forêt de Coquelund ou de Sissi? En Bretagne, il y a la légende du déluge breton, que Dieu fit tout exprès pour l'évêché d'Alette. On y voit Hamel, le pasteur, et Penhor, sa femme, sur le point d'être submergés avec leur petit enfant Raoul, qui porte les couleurs de Notre-Dame. Au moment où le déluge arrive, Hamel place Penhor sur ses épaules pour la faire durer. Et quand l'eau monte encore, Penhor, pour le faire durer aussi, élève le petit au-dessus de sa tête, de sorte qu'il n'y a plus à la surface de cette mort liquide que les blonds cheveux de l'enfant et un pan de sa robe bleue. Or, Notre-Dame a manqué d'être noyée aussi dans sa niche de granit à la paroisse, et elle s'enfuit au ciel. En son vol, elle aperçoit sur l'eau ce lambeau d'azur qui flotte et se dit « Voilà un petit qui est à moi, je vais l'emporter ». Et elle essaye de le soulever, mais il est lourd. Notre-Dame est obligée d'y mettre les deux mains. L'enfant finit par céder à son effort, et alors elle voit pourquoi ce petit Raoul était si lourd. C'est que Penhor, sa mère, le tient, et qu'elle est tenue elle-même par Hamel, le mari et le père. La Vierge laisse tomber une larme dans un sourire à la vue de cette grappe de cœur, et vous pensez qu'elle ne les sépare point. Aussi la légende ajoute « Les familles où l'on s'entraîne restent unies jusque dans le ciel ». Il y a aussi la légende normande qui est moins tendre et que les neveux de Voltaire aimeraient à vous raconter. Elle est bien vieille, dit-on, et déjà pourtant les moines y sont calomniés par ceux qui recevaient au monastère le pain du corps avec le pain de l'âme. Les légendes où la charité manque sont des fleurs sans parfum. Arrivons à l'histoire. L'histoire n'invente rien, c'est sa prétention. Elle a essayé, avec messieurs de Gerville et Bisol, de porter son flambeau dans la nuit de l'époque romaine, mais cette lueur n'a rien éclairé, sinon un réseau de voies croisées au pied du mont Saint-Michel ou mont Joux, éprouvant du moins jusqu'à l'évidence que là était la terre et non point la mer. C'est à dater du VIe siècle seulement que divers écrits, et notamment la vie des saints, fournissent des renseignements incontestables. Donc, au VIe siècle, nous trouvons la forêt de Coquelund, ou de Sissi, dans l'état décrit par Guillaume de Saint-Père, c'est-à-dire que d'Avranches et même de Carole, à Saint-Malo, presque tout était terrain solide. Mais Jersey était déjà une île, puisqu'en 540, Saint-Marcoul, en 577, Saint-Prétextat y arrivèrent par mer. La planche qui, selon plusieurs auteurs, avait relié l'archipel normand aux grèves du Cotentin avait déjà été emportée par le flot. Les îles Chausey elles-mêmes ne devaient plus faire partie du sol ferme, car Paterne, Saint-Père et son compagnon songèrent à y bâtir leur ermitage. Il est vraisemblable que le vieux proverbe « Lico est non, affecte folie, si est le mont en Normandie » n'avait pas encore sa raison d'être. Le Couesnon laissait le mont à gauche, se joignait à la Guintre, à la Célune, à la Cé, au Leyre, et formait ce canal ou fleuve que Ptolémée nomme le Titus et que M. Bouillet place dans l'Avranchin. Les deux monts étaient là, loin de la mer où le Titus tombait par ses nombreuses embouchures à une assez grande distance au-delà de Tombelaine. Tout autour, dit Don Huyn, on ne voyait qu'une espèce forest. Or, j'acquais que, quoique cette forêt fût affreuse et propre plutôt à l'habitation des bestes que des hommes, ce néanmoins elle plût à quelques-uns grandement amateurs de la solitude, lesquels s'y retirèrent pour, là et soignés de tous les tracas et commerces du monde, contempler à loisir les perfections immenses du Créateur de toutes choses. Pour cet effet, ils bastirent deux petites chapelles, est-ce lieu, plus à l'escar, l'une en l'honneur de Saint-Étienne, premier martyr, et l'autre de Saint-Symphorien, lesquels ont demeuré longtemps sur pied. Ainsi commence chez le plus célèbre chroniqueur du Mont-Saint-Michel le récit du miracle légendaire du loup et de l'âne, rapporté par tous les manuscrits, et qu'on avait peint sur un vitrail de la basilique. Les ermites souffraient parfois du manque de nourriture. Alors ils allumaient un feu au fond de leur allier, et la fumée montait au-dessus des arbres. À ce signal connu, le charitable curé d'Astériac, Beauvois, chargeait son âne de provisions qui ne manquaient jamais d'arriver aux ermitages, car l'âne était fidèle et connaissait son chemin. Dès qu'on l'avait déchargé, il s'en retournait seul comme il était venu, remplissant toujours à souhait son miséricordieux emploi, jusqu'à ce qu'un jour, s'en allant selon son ordinaire vers ses ermites, un loup affamé se rua de grande furie dessus et le dévora. Or Dieu, qui a soin de repaître les petits des corbeaux qu'il invoque, entendit aussi les gémissements de ses ermites, qui ne savaient pourquoi l'asne ne venait vers eux selon son ordinaire, et voulut que le loup fît l'office de l'asne, apportant désormais les provisions sur son dos. Les ermites auxquels la manne était ainsi distribuée venaient dès lors de la Thébaïde normande, fondée au long de la côte par les deux grands moines poitevins, précurseurs de saint Aubert, saint Père et saint Scubilion, qui, selon plusieurs écrivains, eut son monastère sur le mont lui-même. Dans les écrits du saint poète Vénance Fortuna, évêque de Poitiers, nous trouvons les détails les plus précieux sur les deux apôtres du Cotentin. Selon lui, père ou paterne naquit à Poitiers, au commencement du VIe siècle, à l'âge où les autres recherchent avec passion les plaisirs, il entra au monastère d'Ancion, dont l'abbé Generosus lui témoigna tout de suite une entière confiance et fut mortellement affligé quand il apprit un jour que son jeune protégé avait pris la fuite. Père n'était pas seul. Un vieux moine, Scubilion, le suivait, rajeuni par sa jeunesse, réchauffé par son ardeur. Père, en effet, ne fuyait point l'austérité, il la cherchait plus grande et courait après le parfait service de Dieu. Ils allèrent, le vieux et le jeune, accomplissant leur devoir de moine, qui est la louange sempiternelle, laos perennis. Ils n'avaient que leur psautier pour viatique, et il arriva qu'en chemin, le vieux étendit son pallium sur les épaules du jeune, exprimant ainsi son admiration pour une ferveur d'enfant qu'il jugeait supérieure à la sienne. Le but de leur voyage était l'île de Jersey, leur ambition le désert. Comme ils entraient dans la forêt, ils rencontrèrent un homme qui leur dit « Au Fanum de Sessioc, il y a un temple à détruire et des idoles à renverser. » Ils n'hésitèrent pas, les joies tant désirées de la solitude eurent tort dans leur cœur devant un combat plus dur et une joie meilleure. Dieu, cependant, ne leur donna point cette plus belle de toutes les couronnes, le martyre. Ils entrèrent dans le temple avec leur psautier et leur bâton de voyage. Les idoles renversées se brisèrent en tombant, et Paterne, mettant le pied sur leurs débris, prêcha la vie et la mort de Jésus. Sa parole se répandit comme un incendie de pure flamme, et Dieu fit des miracles pour lui donner puissance. Les lores s'élevèrent de toutes parts sur cette terre devenue chrétienne, et le bruit de ces merveilles arriva jusqu'à Generosus. Le vieil abbé, chargé d'années, voulut revoir l'enfant qu'il avait un jour mal jugé. Il vint, malgré son grand âge, et ne reconnut point l'adolescent joyeux d'autrefois dans le soldat meurtri par ses victoires, dont le front ravagé avait une auréole. L'admiration de Generosus ne put rester muette. L'évêque de Coutances apprit par lui quel trésor le pays possédait. Paterne reçut la dignité de diaconat, puis celle de la prêtrise. Le roi Childebert, à son tour, rendit hommage à celui qui, non content d'avoir éclairé au flambeau de la foi toute une portion de son empire, apportait par la formation d'innombrables monastères la richesse et la paix aux peuples de Neustrie et d'Armorique, depuis Bayeux jusqu'à Rennes et Saint-Malo. Avranches le voulut pour évêque, et saint Fortunat raconte le gracieux prodige des colombes qui le suivirent quand il traversa la forêt pour se rendre de Sessioc à sa ville épiscopale. Fortuna rapporte aussi les circonstances touchantes de sa mort. Paterne gardait pour Scubilion, qui avait pour lui la tendresse d'un père, un attachement vraiment filial. Il venait souvent visiter ses moines à son ancienne laure de Sessioc, située au lieu appelé maintenant de son nom Saint-Père, et d'où il voyait le monastère de Mandane fondé et gouverné par Scubilion. Entre deux était le cours d'eau du Tar, estuaire large et profond à marée haute, mais simple rivulet quand le flot se retirait. La dernière fois que Paterne vint à Sessioc, il fut pris d'un mal violent sitôt après son arrivée, et se sentant près de sa fin, il dépêcha un courrier à Scubilion pour l'appeler près de lui. Au même instant, un autre courrier partait de Mandane, chargé d'appeler Paterne auprès de Scubilion expirant. Ainsi les deux messages se croisèrent et chacun d'eux arriva pareillement à un lit d'agonie. Mais chacun d'eux fut pareillement entendu. Les deux agonies se levèrent d'un même cœur et trouvèrent la force de s'élancer l'une vers l'autre. Et ce fut une chose sainte et belle de voir ces deux lits de mort marcher. Ils se seraient rencontrés à mi-route sans la marée qui changeait le ruisseau du Tar en un large bras de mer. Les porteurs furent contraints de s'arrêter, mais la prière à des ailes, les suprêmes oraisons des deux saints amis qui priaient l'un pour l'autre, montèrent à Dieu ensemble, précédant leurs deux âmes exhalées ainsi sur deux rives différentes, mais réunies dans leur vol vers le ciel. Il en fut de même sur la terre, de leurs corps qui sont encore aujourd'hui côte à côte sous leur commune pierre en l'église de Saint-Père à laquelle Paterne donna son nom. Quelle circonstance put donc appeler les eaux de l'océan, alors si éloignées, pour aplanir les routes au jour de paix et pour former en temps de guerre une glorieuse et infranchissable douve autour de la forteresse que l'archange allait se bâtir. En histoire comme en toute science, les opinions s'entre-dévorent. Pour n'avoir point changé depuis 19 siècles, je ne connais que les articles de la foi. Pendant plus de 100 ans, la marée de mars 709, dont la première mention se trouve, croyons-nous, dans l'abrégé de la vie de Saint-Gaud, de Saint-Père et de Saint-Scubilion, publié par l'abbé Rouault en 1734, a assumé sur elle seule la responsabilité du cataclysme qui détruisit et noya une forêt de plusieurs lieues carrées. Mais à l'user, ce roman perdit de sa fraîcheur. On alla aux sources, on ne trouva rien qui militât en faveur de la monstrueuse marée. Au contraire, quelques textes anciens lui étaient hostiles. Dans le récit latin de l'apparition de Saint-Michel au mont Tombe, dont une copie sur 6 remonte au moins au 10e siècle, on trouve un certain Paulatim, peu à peu, particulièrement favorable aux partisans des assauts moins grandioses, mais plus nombreux, plus patients et définitivement victorieux de la mer. Sans contester la valeur du Paulatim, je penche à croire que la fameuse marée de mars ou septembre 709 est morte surtout d'une maladie qui s'appelle l'invraisemblance. Je ne cache pas que je la regrette. Voici du reste la traduction du texte original qui vaut la peine d'être cité parce qu'il nous donne la condition exacte et en quelque sorte authentique du pays à l'époque de l'apparition. De la situation du lieu, les habitants appellent ce lieu tombe parce qu'il sort des sables comme un tumulus et s'élève à une hauteur de 200 coudées. L'océan l'environne de toutes parts, ne lui laissant que l'espace étroit d'une île merveilleuse. On y trouve en abondance une variété considérable de poissons apportés par les fleuves et la mer. Deux fois chaque jour, le reflux laisse un chemin libre aux peuples pieux qui se rendent au temple du bienheureux archange Michel. Ce lieu était d'abord, ainsi que nous avons pu l'apprendre de narrateur véraces, enclos d'une forêt très épaisse, éloignée, paraît-il, de 6 000 du flot de l'océan et fournissant aux fauves de très sûres retraites. Mais comme ce lieu, dans l'intention divine, était préparé pour un miracle futur et pour la vénération du saint archange, la mer, qui était beaucoup éloignée, s'élevant peu à peu, paulatim, aplanit toute l'étendue de la forêt et la réduisit à la forme de son arène, fournissant ainsi une route aux nations de la terre afin qu'elles chantassent les merveilles de Dieu. 3. Il y a le plan divin, éternel et parfait, il y a le soubresaut incessant de la liberté humaine. Dieu a voulu l'homme libre, c'est la nécessité de l'épreuve qui ferme à jamais la porte du paradis terrestre, mais qui ouvre, pour les élus, l'entrée du céleste paradis. À la traverse du plan divin, mystère impénétrable, traçant le profond sillon que rien ne peut combler ni changer, le libre arbitre de l'homme défiant, inquiet, aveugle, se jette et se jettera toujours. C'est le vivant obstacle, dont l'agitation permise par Dieu aux risques et périls de celui qui s'agite, cherche perpétuellement ses alliances hors de Dieu et sacrifie du matin au soir au dragon tentateur sur la formidable pente où l'orgueil et la convoitise l'entraînent. L'effort suicide du libre arbitre accordé à l'homme est puissant à ce point que Dieu juge à propos parfois du haut de sa miséricorde d'y mettre un frein miraculeux. C'est le ministère de l'ange. Et il arrive que l'acte de l'ange, contrarié dans son effet par les chocs de la passion humaine, aidé du pouvoir de Satan, a besoin d'être répété à court intervalle. Ces manifestations n'instruisent pas l'homme pervers qui les nie, ne voulant pas être instruit, mais elles sont le courage des bons et elles accomplissent ainsi l'œuvre de Dieu. On peut suivre à travers les siècles comme une trace de lumière cette partie du plan divin marquée par la protection de l'archange. Nous avons vu Michel, par Constantin, planté dans la gueule des dragons de Maxence la hampe du Labarum. Dieu avait été prodigue, l'ingratitude de l'homme fut monstrueuse et soudaine. Les successeurs du premier empereur catholique se hâtèrent en quelque sorte de faillir à la gloire du chef de leur race et de déserter sa foi. Son fils même, Constance, outrageant la mémoire paternelle, trébucha si honteusement dans le cloaque arien que la grande plume de saint Jérôme a pu écrire à propos de lui « La barque des apôtres était en péril, mais Dieu se lève, il commande à la tempête, la bête meurt et le calme renaît. » Certes, Dieu n'a besoin ni d'un homme ni d'une race, mais quand les générations suscitées deviennent stériles avant le temps, Dieu fait élection nouvelle d'une race ou d'un homme. Sitôt que les empereurs manquèrent, Dieu couronna un roi. Le baptême de Clovis fit la France et ses destinées. Ce fut l'archange qui fit le baptême de Clovis, marquant ainsi d'avance au signe catholique le pays encore païen, où devait avoir lieu sa seconde, sa maîtresse, apparition. Avant d'entrer dans le récit même de ce grand fait qui sacra Michel, ange royal de notre patrie, jetons, pour en reconnaître la nécessité historique, un regard très rapide sur l'état du monde chrétien au moment de la conversion de Clovis. L'Empire d'Orient succombait. L'Empire d'Occident agonisant, ou plutôt déjà mort, gisait, dépecé en sanglants quartiers par les Huns, les Goths, les Vandales, les Hérules, les Visigoths, les Burgondes, tous ou presque tous à rien. De tous les coins du ciel, la tempête dont parlait saint Jérôme était revenue plus terrible, et il est vraisemblable qu'au milieu de ces assourdissants fracas, le baptême d'un chef barbare ne fut point noté comme un événement de grande marque. C'était pourtant la naissance d'un monde, et nous allons y voir tout à l'heure la main de saint Michel, qui est interprété Dieu, selon l'expression de Guillaume Benoît, se montrait à l'heure où naquit la France catholique. Ce docteur Reslois, Guillaume Benoît, qui fut le maître du cardinal d'Albret, de Louis d'Amboise et du cardinal de Clermont-Lodève, a tracé d'une façon magistrale la visée de Dieu sur le royaume de France. « La garde et la protection de ce royaume, dit-il, est attribuée à l'archange Michel, tour à tour prince de la synagogue et de l'Église. » Et c'est comme marque de ceci qu'après sa miraculeuse apparition sur la terre de l'Église romaine, au mont Cargan d'Apulie, Michel a fait sa seconde apparition dans le royaume de France, au lieu nommé le mont Tombe. Nombre d'écrivains l'ont dit, avec plus ou moins d'éloquence, non seulement aux jours éclairés par la foi, mais aussi en notre temps d'orgueilleuse négation. Le mystère du solennel travail qui enfanta le plus glorieux peuple du monde n'est même pas nié par tous les sceptiques dont quelques-uns accordent que certaines croyances, en certains temps, ont eu certaines utilités. C'était l'opinion de Voltaire qui aurait inventé Dieu si Dieu eût manqué à sa haine. Mais Dieu ne manque ni aux siens ni aux autres. Il n'a jamais manqué, il ne manquera jamais. On voit partout sa générosité infinie dès qu'on la cherche. Et nul ne saurait lire sans émotion les paroles prophétiques adressées à Clovis lui-même par le pape Anastase, qui voyait déjà le rôle de la nation fille aînée de l'Église, quand il écrivait « Nous nous félicitons, très glorieux fils, de ce que votre entrée dans la foi chrétienne concourt avec notre entrée dans le pontificat, car la chair de Pierre pourrait-elle ne pas tressaillir de joie quand elle voit le filet que ce pécheur d'homme a reçu ordre de jeter, se remplir à travers les siècles. C'est ce que nous avons voulu faire savoir à votre sérénité afin que vous soyez notre couronne, glorieux et illustre fils. Soyez la consolation de votre mère l'Église. Soyez lui pour la soutenir une colonne de fer. » nous avons dit que nous montrerions le doigt de Michel dans la violente mêlée des événements qui précédèrent et accompagnèrent la conversion de Clovis, si différente de celle de Constantin et pourtant si bien faite pour lui être comparée. C'est notre sujet même, puisque ce baptême éclatant créa pour ainsi dire l'opportunité de la manifestation surnaturelle du Mont-Tombe et aplanit plus encore que les travaux de Saint-Aubert le terrain où devait s'élever chez nous le premier sanctuaire de l'archange. Je vais laisser parler un instant l'auteur du catalogue de la gloire du monde, Guillaume de Chasseneuse, docteur en l'université de Pavie et président du Parlement de Provence au XVIIe siècle. Il est un de ceux qui ont montré clairement Saint-Michel favorisant l'accès de la nation franque dans la maison de la vraie foi qu'elle n'a jamais désertée. « Si Michel, dit cet écrivain, accomplit des choses merveilleuses dans la synagogue, il en a fait de plus grandes encore, pour l'Église, dans ce royaume. C'est lui qui fournit l'ampoule pleine d'huile au baptême de Clovis, le premier roi de France chrétien, et mit les Allemands en fuite par le secours de Dieu. » C'est lui qui servait de guide vers le gué, alors que Clovis, qui s'affligeait de voir son armée arrêtée dans son désir de livrer bataille aux Goths hérétiques, implora Dieu en cette manière. Dieu, qui êtes le meilleur secours dans les tribulations, ne différez pas en faveur de votre vraie religion que je défends, de prendre vengeance du goth hérétique. Donnez-nous un fleuve guéable. Et Dieu ne méprisa pas la prière de Clovis, car aux premières lueurs du jour suivant, un cerf apparut sortant de la forêt, puis la bête excitée par les grandes clameurs des soldats se mit à nager dans le fleuve comme un explorateur de la route, en indiquant le gué. Et c'était Dieu qui le faisait conduire par Michel, le défenseur et le protecteur de l'Église catholique, à laquelle Clovis croyait alors. Mais la nature humaine, pour laquelle Dieu fait tout, devait venir selon sa coutume, à l'encontre de Dieu. Les successeurs de Clovis, et pour les mêmes raisons, avaient fait comme les héritiers de Constantin. Il restait encore assez de levain idolâtre dans les Gaules, assez de civilisation romaine profondément gangrénée, pour empoisonner ces princes barbares, race toute jeune et déjà décrépite par les excès. Cependant, si les neveux du premier Louis dormaient ou chancelaient dans l'ivresse, leur peuple, les Francs, rester robuste autant qu'il le fallait pour porter le poids de sa destinée héroïque. Il n'y avait de condamnés que les princes mérovingiens. C'était encore le tour des Francs et c'était encore l'heure de Saint-Michel qui allait paraître et ouvrir avec solennité ce grand 8e siècle, ère marquée pour les actes de Dieu par les Francs. 100 et quelques années avaient passé, l'Occident que nous avons montré mort sortait du cercueil comme Lazare. Il marchait relevé dans le travail de ses saints, la vie catholique semblait s'y être réfugiée, et le pouvoir temporel des papes venait d'être inauguré avec Jean VI, à qui les peuples malheureux s'étaient donnés, demandant à l'Église, seul juste pouvoir, seule autorité qui se montra secourable, la protection de sa croissante puissance. Après les inextricables procès à coups de hache qui avaient ensanglanté l'héritage de Clovis, morcelé tant de fois et disloqué par les partages, la France réunissait ses membres épars sous la forte main de Pépin d'Héristal, qui tenait Childebert III, roi de Neustrie, en tutelle, et gouvernait par lui-même l'Austrasie. C'était presque l'unité de fait, et il n'en fallait pas davantage pour déterminer la convalescence du peuple vivace entre tous. À Rome, un simple prêtre, le futur Grégoire II, priait et méditait dans sa retraite, où seul, peut-être, il pressentait un avant-goût des avenirs prochains. En Angleterre, Bède, le Vénérable, entouré de ces grands moines qui ont créé toute science, florissait. En Espagne, où sévissait pourtant la maladie de l'arianisme, il y avait un homme trempé à l'antique, le légendaire Pélage, qui guettait venir le Sarrasin, et combinait peut-être au fond de son abandon sa fuite plus mémorable qu'une victoire. Dans la Frise, saint Willibald évangélisait, après saint Kilian et ses compagnons, dont le sang prodigué faisait mûrir en riche moisson la semence de leurs paroles. La nuit barbare régnait encore au-delà du Rhin, mais Boniface, l'ardent apôtre qui allait subjuguer l'Allemagne, avait déjà 20 ans, et l'adolescent destiné à s'appeler Charles Martel, le rude, le vigoureux forgeron qui devait marteler, en effet, la préface tout en fer des épopées de Charlemagne, atteignait sa 18e année. Les hommes marqués pour l'œuvre du siècle sont en vie. le siècle aussi, et l'Église, allant toujours la première dans sa grande voie de civilisation, attend les hommes et le siècle. Elle connaît sa force, mais elle compte les obstacles, les pèse et les mesure. La barbarie monte du nord et descend de l'Orient. Mahomet vient, Odin va venir, et l'hérésie est partout, fléau pire que la barbarie même, parce qu'elle a connu Dieu et qu'elle a crié contre le vicaire de Dieu, la propre invective de Satan. « Je ne servirai pas !» Il faut Michel sur la terre comme il le fallut dans le ciel pour proclamer le « Quis ut Deus ». Ici-bas, plus de légions d'anges, la loi du libre arbitre humain ne permet que des légions d'hommes. Il y aura des légions d'hommes et un homme à la tête de ces légions, comme l'ange adorateur de Jésus fut à la tête des légions d'anges. Car du mont Gargan où il veille, Michel, le gardien de l'Église, a entendu la voix de l'Église demandant la Ligue universelle du bien contre le mal, le Saint-Empire catholique des prophéties, l'Empire des mille ans, promis pour briser l'infidèle et ruiner l'hérésie. Et Michel a regardé du côté de la France. C'est là que le Saint-Empire va naître, ou plutôt sortir tout parfait de la tête et du cœur d'un roi franc qui sera le Saint-Empereur. Voilà pourquoi l'archange a ouvert ses ailes et quitté son sanctuaire du pays romain. Il veut couronner l'œuvre du baptême de Clovis et marquer d'un trait plus profond la prédestination de la France en arrêtant son vol sur le Mont-Tombe au sein de la nation choisie qui porte dans ses généreux flancs Charlemagne et les 10 siècles de gloire. Il, Saint-Michel, vaincra et enchaînera le dragon pour 1000 ans et le précipitera dans l'abîme et l'y enfermera et mettra dessus un sceau jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Apocalypse 20. Et il confiera aux mains de la nation élue son glaive avec son bouclier. Il la sacrera fille maîtresse entre toutes les filles de l'Église pour ses 10 siècles, du 8e au 18e, dont la lumière éblouira les temps futurs en voilant l'éclat des jours passés. Nous arrivons à Saint-Aubert et à l'apparition.